une histoire particulière. Depuis le décret de 1810 et jusqu'en 1994, l'expression « crime passionnel » désignait un meurtre dont le mobile est la jalousie amoureuse. Le qualificatif « passionnel » vient souligner le fait que dans ce type de crime, l'auteur serait sous l'emprise de la passion amoureuse, ce qui lui aurait fait perdre le contrôle de lui-même. Il commettrait alors son crime sans être en pleine possession de ses moyens. La jalousie n'existe pas en tant qu'élément d'une infraction pénale. La jalousie, un mélange d'émotions où se croisent colère, tristesse, frustration et même dégoût. Alors, le crime dont Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre vont vous conter l'histoire aujourd'hui, est-il passionnel? Quoi qu'il en soit, tuer une personne constitue toujours un crime. Le mystère du squelette du Château Vert. Incroyable. Pour les beaux yeux de Léoncie. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Le Dauphiné libéré, vendredi 15 avril 2005. Qui est la malheureuse victime dont les restes ont été découverts le 7 avril dernier dans une faille proche du rocher de Château Vert à Grasse-en-Vercors? Voilà notre joli petit pays. Le Grand Vémont, là-bas. Milieu géographique de la commune. Quelle altitude? Ici, là, 1205 mètres. Plus haut village du Vercors. De 20 mètres. Hein. On est 20 mètres plus haut que Corançon en Vercors. Donc, comme on en est très fiers de ces 20 mètres, il y avait un point géo de Dilésique. Mais c'est le plus haut village du Vercors. Et là, vous avez le Grand Vémont, donc qui est le plus haut sommet, 2341 mètres. Et qui a la particularité qui est, j'exagère un peu, mais au milieu géographique de notre commune. Il n'y a que la commune de Grèce, c'est la vallée où on est là, avec 13 hameaux habités. Et derrière, il y a 4000 hectares qui sont classés en réserve naturelle. C'est la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. Et c'est un secteur où viennent les transhumants de la Croix, donc du pays d'Arles, depuis des siècles et des siècles, quoi, hein, et qui continuent à venir. Et de l'autre côté, les hauts plateaux du Vercors, que les gens de Grèce appelaient les grandes montagnes, c'est entre 1600 et 1800, voilà, hein, à peu près. Alors Bernard a arpenté ces hauts plateaux pendant des décennies. Bernard Frédier, en 2005, les spéléologues qui ont trouvé dans une faille les ossements, c'était où par rapport à ici ? C'est le massif du Ménil. On va aller au bout de la cour de l'école et on va vous le montrer. C'est un massif avec deux petits sommets, Château Vert et le Palais, qui est assez caractéristique. C'était une montagne qui était bien mangée par les moutons. Et aujourd'hui, on va dire que les moutons ont un peu disparu, la forêt a gagné, et ce sont plutôt les loups. On a, dit-on, deux meutes de loups à Grèce qui trafiquent sur cet espace. Alors voilà le Palais. Vous voyez les arbustes là devant. Alors c'est cette montagne qui est en face de nous là. Hein, qui divise avec, la vallée en deux parties. Voilà. Et donc la partie réellement qui a été consacrée, donc disons où on a découvert les restes humains, ça s'appelle donc le Château Vert. Et donc il y a une faille qui traverse un petit peu vers le sommet. Et donc ça c'est une faille dans laquelle on allait aussi nous faire des fouilles à une époque avec des amis. Et on a trouvé aussi des ossements de chevaux, de chèvres, de moutons, enfin tout ça. Donc c'était un lieu probablement où on mettait des animaux morts pour se débarrasser. Mais Bernard Brincombe, vous, dans cette région-là, vous y avez fait des marches, vous l'avez arpenté. Ah oui, là on y allait fréquemment parce que c'est un terrain de jeu magnifique. Donc découvrir en 2005 des ossements, ça veut dire que quelqu'un l'a mis là exprès. Ah oui, tout à fait. Ça n'a pas tombé. Non, c'est non, absolument. Dans la faille, en faisant une balade. Non, il n'y a pas de balade. Là. Accident, suicide, crime. Quand le drame s'est-il produit? Voilà les questions qu'aient les gendarmes de la compagnie de la Mure, de Monestier de Clermont et du groupe d'investigation souterrain de l'Isère tentent de répondre. Au regard du lieu de découverte, il n'y avait pas d'autre possibilité que d'envoyer des spéléologues. Et il se trouve qu'en Isère, vous avez un groupe de gendarmes, un groupe de spéléologues, qui est capable de pouvoir investiguer sous terre avec leurs compétences techniques et toutes les techniques d'investigation. Lieutenant Charbonnel, directeur de l'enquête à l'époque. Nous sommes au commencement du printemps. Il y a encore de la neige par chez nous. On est à peu près à 1500 mètres d'altitude pour ce qui concerne la localisation du lieu. Et celui-là, on peut l'imager un petit peu comme une sorte de molaire avec une gencive. Voilà à peu près la configuration de tout le relief du Vercors qui est formé de cette façon-là. Et en fait, on va dire que à mi-chemin entre la gencive et le sommet de la dent, vous avez une carie. Mais il se trouve que cette carie, elle a été relevée par GPS, par nos amis spéléologues. Donc en fait, il faut imaginer qu'on va descendre à mi-chemin entre la gencive et le sommet de la dent sur une sorte de petit sentier qu'on appelle sente, formé de ballast. Hein, vous voyez un petit peu les rails, chemin de fer. Bah, c'était ça, quelque chose de très très très instable avec un vide de 80 mètres sur notre gauche. Voilà, et on va trouver cette faille qui se retrouve sur une sorte de petit replat. C'est une faille, c'est un décollement rocheux. Hein, c'est une fissure, si vous préférez. Et large, au plus large, 80 cm, au plus étroit, 60 cm. L'eau profonde de 21 mètres, de mémoire. Là, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet amas de terre? On va découvrir déjà le reste des têtes fémorales, qui montrent le positionnement final du corps à l'issue de la chute. Mais aussi, surtout la chose la plus principale, c'est une gangue de terre rouillée. Et il n'y a pas de rouille dans le Vercors, puisque la rouille, c'est quelque chose de ferreux, et il n'y a pas de fer dans le calcaire. Donc là, ça a attiré notre attention. Et en fait, en grattant doucement, on s'aperçoit qu'en fait, vous avez les vestiges d'un vieux porte-monnaie de grand-mère, avec ce qui reste de cuir. Mais c'est surtout le contenu qui est intéressant. On va trouver des pièces. Donc là, déjà, on arrive à déterminer pourquoi le corps est là. C'est pas pour un crime crapuleux, puisqu'on est en face d'un porte-monnaie avec de l'argent et de l'or. Hein, des pièces, 17 pièces, 1870 pour la plus vieille, 1913 pour la plus récente, une pièce en argent de 50 centimes. Et c'est là que l'enquête démarre, dans l'espace, mais surtout dans le temps. Et on trouvera des vestiges de vêtements très épais, chauds. Donc on peut déterminer peut-être une période hivernale. Donc on va remonter tout ça, photographier, immortaliser sur une planche photographique, déterminer les positionnements, numéroter tout ce qu'on va remonter. Et là, voilà, l'enquête va démarrer à ce moment-là, quoi. On va descendre dans le village de Cressan-Vercors. Et là, volontairement, on va ébruiter notre découverte. Volontairement. Volontairement pour que la mémoire humaine puisse se réveiller et peut-être découvrir des surprises à terme. Hier, la nouvelle de cette découverte a rapidement parcouru les rues de la commune, assez pour faire remonter dans les mémoires une vieille histoire que les anciens du village racontaient. Et là... Alors nous, enfin moi j'étais élu à l'époque, et c'est lors d'un conseil municipal que notre ami là, local, Jean-Est de Dauphiné Libéré, était avec nous pour écouter un petit peu ce qui se passait, et qui nous interrompt en plein conseil, et qui nous dit, écoutez, là, je m'excuse de vous arrêter, mais je vais vous dire une chose, on a trouvé donc un cadavre à Grèce. Alors nous, on est resté un petit peu suspendu par rapport à ça. Et puis il nous dit, mais vous inquiétez pas, c'est un squelette. Alors bon, je dis, là, ça va déjà un peu mieux. On est moins soumis à la pression. Et tout de suite, moi, ça m'a fait tilt. Et j'ai dit, bon, bah, ça y est, à tous les coups, c'est le disparu de Grèce dont on parle depuis 1913 et que personne n'avait réussi à imaginer où il pourrait être. Et tout le monde m'a regardé un peu surpris parce que d'avoir une réponse aussi claire et nette. Mais en fait, c'est, voilà, ça s'est avéré être la stricte vérité. Vous savez, le Vercors, c'est un pays assez reculé, mais l'avantage, c'est que les mémoires ont traversé les temps et les générations surtout. Et je misais sur ça, on misait sur ça. Les gendarmes de l'époque avaient commencé une enquête et des recherches. Ben, elles ont été interrompues par la guerre et elles n'ont pas repris. Raconte des habitants de la commune. À l'époque, l'un des gendarmes enquêteurs avait l'habitude de consigner sur un carnet ses activités quotidiennes. En fait, la première personne qui va se présenter à nous est un de mémoire. Il s'agit d'un ce qu'on appelle un cantonnier, un personnel de la mairie, qui va venir et dire, voilà, moi je possède un document que l'on se transmet de génération en génération, et il y a peut-être probablement quelque chose dedans, parce que cet écrit a été rédigé il y a très très longtemps, me dit-il, par un certain maréchal des logis chefs Cuché. Journal du gendarme Auguste Cuché. Mémoire écrite en 1937. Je narre quelques détails sur certains faits connus ou inconnus, me paraissant avoir quelque importance, qui se sont produits dans la localité au cours du siècle dernier. Les uns se sont produits quand j'aurais pu en être le témoin. Mais la plupart de ces renseignements m'ont été donnés par mes parents, mon grand-père, quelques vieillards du village où je suis né. C'est un ancien brigadier, c'est-à-dire un ancien chef de la gendarmerie de Monessey-Clermont, qui était à proximité à une quinzaine de kilomètres, compétente donc sur ce territoire de cette commune, de Grasse-en-Vercors. Ce document est assez précieux parce que est couché dessus toutes les enquêtes particulières que ce gradé de gendarmerie a pu récolter au gré de sa longue carrière, mais c'est surtout des enquêtes qui n'ont jamais pu aboutir et qui ont laissé des questions sans réponse. Et là, fort de la dernière pièce de 50 centimes, c'est notre clé de voûte, hein, ce petit bout de métal argenté, va nous guider, en fait, c'est notre ligne de conduite, en fait. Et on va aller directement vérifier ces pages et on va aller directement sur la page de 1913. 1913. Date que je ne peux indiquer autrement. Le jeune Moutet, employé à la fruitière, disparaissait mystérieusement un soir après avoir passé la veillée dans un café à Grèce. Je ne reviens pas sur les détails que tout le monde connaît mieux que moi. Là, novembre 1913. Il est indiqué une disparition bien inquiétante d'un certain Jean-Henri Moutet. Et le maréchal des logis chef Cuchet pointera du doigt la situation suivante. C'est que le maire de l'époque de Grèce-en-Vercors n'a que trop, je vous le dis de mémoire, mais n'a que trop tardé à contacter la gendarmerie. Et ce délai passé sera préjudiciable pour la découverte de l'auteur du probable et très certain meurtre de ce Jean-Henri Moutet disparu. Colonel Corbel. Dans ce dossier-là, finalement, l'enquêteur principal, à l'époque l'adjudant Charbonnel, a repris des pièces de procédure qui avaient été établies à l'époque par un enquêteur. Et ça a été finalement la continuité de cette enquête, plusieurs dizaines d'années plus tard, avec l'élucidation de ce dossier. Donc ça a été pour nous, enquêteurs, un grand moment et une très grande satisfaction. On a eu le sentiment de finir le travail que notre ancêtre avait initié et qu'il n'avait pas pu, par manque de moyens à l'époque, terminer. L'IRCGN a été sollicité à partir du moment où on a eu fini les premières expertises et surtout pour affiner la datation des ossements qui avaient été découverts par les spéléologues. Capitaine Richebet, au sein de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, dans votre carrière, vous avez étudié des ossements et fait parler des vieilles preuves. Comment est-ce que vous vous y preniez ? Notre travail au quotidien était de recevoir des squelettes complets ou parfois partiels, dans le but de réaliser un examen anthropologique. Donc l'examen anthropologique consiste à donner des éléments d'identification. C'est qu'à partir de certaines des pièces osseuses du squelette, on va pouvoir déterminer le sexe, l'âge du sujet, sa taille, et d'autres éléments qui vont permettre aux enquêteurs de rechercher parmi des personnes disparues et de pouvoir identifier les ossements. Ces os étaient totalement minéralisés, c'est-à-dire que toute la matière organique avait disparu. Hein. C'est-à-dire que les os étaient très très anciens. Le dossier est très ancien, je ne sais plus si c'était au niveau des membres inférieurs, peut-être la jambe droite ou gauche, je ne me souviens plus. Il y avait une particularité osseuse qui pouvait permettre de penser que la personne avait un petit handicap. Donc en 2005, vous êtes sûr que c'est lui, le disparu? Moi, tout de suite, oui. Par rapport à la description, en plus, il parle aussi d'une jambe plus courte que l'autre, ce qui est un élément frappant. On savait qu'il était boiteux. Donc, ces deux éléments-là, entre les pièces de monnaie qui situent la date et en même temps la jambe plus courte, là, pour moi, ça fait plus l'ombre d'un doute. À partir des connaissances que j'avais, je me doutais que c'était lui, quoi. Des gens nous contactent en disant, oui, effectivement, à une époque, Une personne a disparu, on ne connaît pas le nom, mais apparemment la légende dit, parce qu'il y avait une légende dans ce village, il y avait une légende qui disait que un jeune avait disparu une nuit d'hiver et aurait été coulé dans la pile du pont de Grèce en Vercors. Ah, vous voyez ? Donc déjà, on part sur une autre piste. Mais on ne sait pas sur quoi on est, mais on ramasse. On cumule toutes les preuves. On récupère tout, sans déterminer quoi que ce soit. On fera le filtre plus tard. Une personne se présente à notre unité. Pour le coup, moi, j'étais à Bourdoisan. Donc, un homme d'un certain âge, une soixantaine d'années, va se présenter à moi et me dire, voilà, je suis au courant de ce que vous avez découvert sur Grèce-en-Vercors. Et je tiens à vous apporter un document militaire que j'ai retrouvé de mon arrière-cousin, grand-cousin, qui a disparu à Grèce-en-Vercors. Il a fait ses classes au début du siècle précédent et il a été réformé parce qu'il boitait. Très bien, mais je vais présenter moi le document. Alors c'est un livret militaire, comme il existait à l'époque, où vous avez toutes sortes d'indications de signalement de la personne, en l'occurrence, et le nom et le prénom. Et il y avait un certain Jean-Henri Moutet. Et il se trouve que cette personne avait un problème au niveau de la cheville droite ou gauche, je m'en souviens plus, qui a contraint cette personne à ne pas pouvoir faire son service militaire de l'époque. Et là, donc, là, on se dit, on a très certainement quelque chose de très probant et des choses à vérifier. Donc, il a fallu se transporter de nouveau dans le village. On va entendre toute une succession de personnes. Et ces personnes, ce sont ni plus ni moins que les descendantes des témoins proches ou éloignés de ce qui s'est passé. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Et c'est grâce à ce manque de technologie de l'époque que la chose nous est arrivée de cette manière en 2005, quasiment aussi précis que si la chose venait d'être commise. Les témoins directs ont disparu, mais leur mémoire a passé les générations, puisque les veillées, les fameuses veillées que les anciens faisaient avec toutes les générations, ils se transmettaient ces histoires. Je suis né à Grèce, là-haut, presque sous le Véman. J'ai vécu les belles années de ma jeunesse et je n'ai quitté la localité que pour satisfaire aux exigences de la vie. Je suis parfois heureux de rencontrer ceux qui restent et qui ont vieilli comme moi. Mes parents étaient pauvres, comme étaient pauvres la majeure partie des habitants. Par leur travail, ils ont vécu honorablement, élevant leurs deux enfants dans l'amour de la famille, sans vaine gâterie, mais aussi sans privation. Le livre de ce maréchal des logis, chef Cuchet, a bercé, on va dire, les mémoires des générations, des jeunes générations qui sont arrivées à nous à l'époque. Mais j'ai eu la chance de pouvoir aller les voir, de les entendre et écouter ce qu'elles avaient à dire. Donc là, vous avez carrément noté le nom de la victime par Auguste Cuchet. Et comment remontez-vous à Léopold Girard ? Le Dauphiné libéré, 19 novembre 2005. Un siècle après, fin du mystère. Grèce-en-Vercors, le corps de Jean-Henri Moutet disparu en 1913 a été identifié. Il aurait été tué par jalousie. Une révélation qui bouleverse le village. Le secret a été bien gardé pendant un siècle au village. C'était un mystère né autour d'une disparition un soir de 1913. Au fil des années, les anciens de Grèce-en-Vercors l'entretenaient pour animer leurs longues soirées d'hiver. Or, depuis quelques jours, ils racontent une histoire sans oser y croire. L'histoire de Jean-Henri Moutet habitant le hameau des Grands Deux, que personne n'a jamais revu après son altercation dans un bar avec Léopold de Girard, son ami et néanmoins rival. Et on va se rapprocher du monument aux morts 14-18. Donc, on le voit, hein, Girard-Léopold. Mort en 1915. Voilà, 1915. Et je pensais qu'il était mort de pneumonie et pas au combat. Alors, c'est possible hein, qu'il soit, je ne sais plus exactement. Parce que nos informations sont... On est allé sur le site, bien évidemment, du ministère hein, des anciens combattants, où il y a effectivement les raisons. Céline Ferrero, vous êtes journaliste au Dauphiné libéré, et en 2005, vous avez écrit un article. Une fois que mon collègue Stéphane Blaisy a eu les résultats de l'expertise, qui donnait donc une identification des ossements qui appartenaient à Jean-Henri Moutet, à partir de là, on a remonté un petit peu le fil. Lui, il est allé du côté de la famille de Jean-Henri Moutet, Et moi, comme j'étais sur le secteur du Trièves, je me suis occupée du fameux Léopold Girard. Et là, donc, j'ai remonté un petit peu le fil de l'histoire et je suis tombée sur un petit-neveu, donc le fils adoptif du frère de Léopold Girard, un certain Pierre Zanardi Girard, que j'ai pu rencontrer dans sa ferme à Grès-en-Vercors. Alors, à l'époque, on est en 2005, son aïeul est mort à la guerre. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Qu'est-ce qu'il s'est raconté dans la famille Girard ? Alors lui, il me dit très rapidement, déjà il me montre des objets appartenant au soldat Girard. Donc il monte une plaque à l'effigie de Léopold Girard, un livret militaire et un fascicule de mobilisation. Donc j'essaye de l'interroger et très vite je sens que cette histoire, en fait, elle est connue de tous, dans la famille bien évidemment, mais surtout elle n'est pas dite, elle n'est pas racontée. Et très vite il me dit, je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais mon père, donc le frère de Léopold Girard, ne voulait pas qu'on en parle. Donc en fait on savait, mais on ne le disait pas. Et très vite en fait je sens qu'à force de lui poser des questions, parce que j'aimerais bien qu'il témoigne quand même, je sens l'émotion arriver, je vois cet homme qui est plutôt charpenté, qui est assez costaud, je vois les yeux qui commencent à être un petit peu humides, et je vois très vite, enfin je sens très vite que je vais pas pouvoir avoir un témoignage conséquent sur cette affaire, parce qu'il me dit juste... Je ne veux pas qu'on accuse les Girard. C'est une histoire de fille, c'est la nature, voilà ce qu'il me dit. Le voilà qui se reprend dans un dernier souffle. On ne sait pas encore la vérité. Porter un homme jusqu'à là-haut tout seul, c'est pas possible. Surtout un homme mort. Bernard Fadier, est-ce que vous vous rappelez s'il y avait deux clans ici à Grèce, le côté des Moutet et le côté des Girard ? Alors, ça, moi, l'affaire s'étant passée en octobre 1913, je pense qu'il y avait inévitablement des clans. Il y a toujours eu des clans dans le village. Est-ce qu'il y avait une inimitié entre ces deux familles ? Pas sûr. Moi, après, ce sont des hypothèses, mais moi, je suis plus séduit par le dépit amoureux, c'est-à-dire la rivalité amoureuse entre... Jean-Henri qui s'occupait de la fruitière, alors ça c'est vérifié, hein. Jean-Henri Moutet qui avait, comme l'a dit Bernard, une jambe plus longue que l'autre, était boiteux, et donc il avait été réformé, il n'a pas participé donc aux mobilisations avant la guerre de 14, et il avait trouvé cet emploi à la fruitière, puisque le fruitier précédemment était tout seul. La fruitière c'est la société fromagère coopérative, qui a fonctionné 90 ans à Grèce. Nous en sommes extrêmement fiers. Elle a été réalisée en 1880 hein, par les éleveurs grécois. Mais Jean-Henri Moutet, donc en 1913, lui, il est donc célibataire. Célibataire. Il est amoureux. Sans doute amoureux. On va dire sans doute parce que... De Léon Cybernard. Voilà, qui habite le hameau du Chaumeil, qui est un magnifique hameau, le hameau des maisons des tailleurs de pierre, comme on le dit souvent. Et lui, il est amoureux, et on peut imaginer que Léopold, Girard, son concurrent, entre guillemets, qui habitait le même hameau que Léoncy, pouvait l'être aussi. Alors Léopold, lui, c'est un éleveur qui habite à 300 mètres de la fruitière. C'est-à-dire que le lait de la fruitière était ramassé tous les matins et tous les soirs par une charrette, si vous voulez, qui amenait le lait. Par contre, les Girards et les éleveurs du Chaumeil descendaient le lait à la fruitière directement puisqu'ils habitaient pas très loin. Donc le fruit de la collaboration entre Léopold Girard et Jean-Henri Moutet, c'était du fromage. C'était du fromage. Et le fruit de leur désunion, ça a été la mort de l'un pour l'amour d'une femme. Voilà, ce fut sans doute une bagarre. On peut supposer que ça a été une bagarre. Peut-être un acte involontaire, certainement d'ailleurs accidentel. Et qui a dû se passer pas très loin d'ici. Parce que c'est dans un café. Voilà. Ici. Alors, il y avait plusieurs cafés à Grèce. Ici, en face, on l'aperçoit d'ailleurs, il y a l'enseigne du café du Mont-Aiguille. Et puis, juste en dessous, là, il y a une petite auberge qui s'appelle aujourd'hui l'Auberge Buissonnière. C'était à l'époque l'hôtel du maire de l'époque, qui est Métairier. Et puis, un peu plus bas, hein, 50 mètres plus bas, il y avait une autre auberge qui s'appelait l'hôtel du Vémont. Et les fruitiers répartissait la paye en liquide aux coopérateurs, alternativement dans un de ces trois bistrots. Donc, voilà, les fruitiers recevaient le dû de leur travail dans le bistrot. C'est sûr qu'à l'époque, les pots de vin, les pots lyonnais de vin coulaient à flot dans ces jours-là. Et ceux qui étaient un peu plus fragiles ou un peu plus sensibles à la bouteille, eh ben, ils avaient de l'argent frais, ils se laissaient aller. Et c'était sans doute propice à des coups de gueule, comme on dit. Et ce jour-là, malheureusement, peut-être un accident un peu plus dramatique. Le tenancier va mettre dehors deux individus particulièrement enivrés, particulièrement agacés, qui se donnaient des coups à l'intérieur de l'établissement. Il fait froid, il y a de la neige, et les deux jeunes vont continuer à se battre dehors. Le témoin visuel, donc, on reconnaîtra, hein, Jean-Henri Moutet et Léopold. Les deux vont tituber, se bagarrer tout au long du retour à leur domicile. C'est un lieu dit qui est à peu près à 1 km de distance du centre du village où se trouve le bar. Et c'est au cours de ce retour, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils habitaient l'un en face de l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient cousins éloignés. Et l'un des deux va disparaître. Le 13 octobre, disparition de Jean-Henri. Une grande affaire pour Grèce. Céline Ferrero, est-ce qu'à l'époque vous avez été en contact avec les gendarmes qui donc, 90 ans après Auguste Cuchet, reprennent l'affaire? Je pense qu'il y avait une certaine... une certaine émulation au fait de relancer comme ça une enquête près d'un siècle après et de finalement trouver son épilogue. Et alors Léoncie Bernard, personne ne parle dans les papiers et les articles que j'ai lus ou dans le Dauphiné Libéré de la femme, puisque c'est une histoire de fille. Qui est la femme? En l'occurrence, moi, je n'ai absolument aucune information sur elle, à part son nom, son prénom. Je n'ai rien, et c'est bien dommage d'ailleurs. Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Oui, déjà savoir à quoi elle pouvait bien ressembler, pour que deux hommes comme ça, trentenaires, en soient fous amoureux et en viennent aux mains et voire même à se tuer pour elle. Rien que de ça, oui, j'aurais aimé savoir si comment elle avait vécu avec cette histoire, parce que je pense que elle devait, s'il y a bien une personne qui devait connaître l'histoire depuis le début, c'est bien elle. Pour les beaux yeux de Léoncie. Pour les beaux yeux de Léoncie. Pour les beaux yeux de Léoncie. Avec le colonel Corbel, le capitaine Richebet et le lieutenant Charbonnel. Avec aussi Bernard Frédier et Bernard Brancom, historiens à Grèce-en-Vercors. Léoncie. Céline Ferrero, journaliste au Dauphiné Libéré. Léoncie. Extrait du journal d'Auguste Cuchet, dit par Daniel Königsberg. Remerciements au capitaine Desjardins du CIRPA Gendarmerie. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, mixage Alain Joubert. Réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède. Léoncie. La suite du documentaire pour les beaux yeux de Léoncie, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.